L'actualité à Nancy et ailleurs. Aujourd'hui en actualité, j'ai la chance de rencontrer Marco Perna, artiste peintre poète, qui expose actuellement à la médiathèque de l'Axo. Bonjour Marco. Bonjour tout le monde. Là, tu exposes à la médiathèque de l'Axo. Tu exposes jusque quand? Alors, j'expose jusqu'au 21 février. L'exposition, on peut la visiter avec les horaires de la médiathèque, donc ça suffit de regarder sur le site de la médiathèque pour savoir quand passer. Normalement, c'est l'après-midi du mardi jusqu'au samedi, et le matin du mercredi et du samedi. Dimanche et lundi, c'est fermé. Voilà, alors Marco Perna, tu es un artiste franco-italien qui est bien connu dans la région de Nancy et en dehors, hein, puisque tu es régulièrement primé aussi en Italie pour ton art, parce que tu n'es pas que peintre, tu es également poète. Oui, c'est vrai, j'aime bien pouvoir m'exprimer avec plusieurs outils, donc avec les pinceaux, mais aussi avec le stylo. J'ai écrit des poèmes en italien et en français. Et dernièrement, certains de mes poèmes ont été mis en musique par un ami à moi italien. On va en reparler. Donc là, au niveau de l'exposition de la médiathèque, donc encore une bonne quinzaine de jours pour aller te rendre visite. Est-ce que toi, tu es présent tout au long de l'exposition sur le site? Oui, je suis présent le mercredi, vendredi et samedi. Après, les autres jours, si quelqu'un veut passer, il peut me contacter. J'habite pas loin, donc... D'accord, donc il faut te contacter. Je peux être présent tous les jours. Alors, comment on fait pour te trouver, pour te contacter, Marco? Il y a les contacts à la médiathèque pour me contacter. D'accord, donc si on va à la médiathèque, ou peut-être si on te cherche sur les réseaux sociaux, ça c'est Marco Perna. Ça, j'ai sur Facebook, Instagram, c'est là. Ça marche, et là tu peux dire, voilà. Une de tes particularités, au-delà d'être poète, c'est que tu as, un peu comme d'autres artistes aussi, tu mets en valeur la femme. Tu as beaucoup d'intérêt et de respect pour la condition, le genre féminin. C'est vrai, je parle souvent de la condition de la femme, de sa nécessité d'avoir reconnu ses droits et des dangers qui sont portés à leur liberté. Et donc même dans cette exposition, il y a plusieurs tableaux qui parlent de ça et de l'importance de donner à la femme les droits qu'elle mérite et qui devraient être normales, qu'elle devrait avoir normalement, sans qu'il soit nécessaire d'en discuter. Oui, c'est vrai qu'on ne devrait pas avoir à discuter sur pourquoi la femme n'a pas autant de droits qu'un homme aujourd'hui, en France déjà, un pays aussi libre que la France, et puis dans d'autres régions du monde où... La situation est encore pire. C'est encore bien pire. D'ailleurs, il y a quelques œuvres au sein de ton exposition. Donc, on a un tableau, pour ma part, que je trouve extraordinaire, hein, chez Razad. On a aussi un autre tableau qui s'appelle... A Last Fly, ou Suspendu en fil. Suspendu un fil. Alors, est-ce que tu peux nous dire ce qu'il raconte, ce tableau, par exemple? Oui, en effet, c'est un tableau qui parle un petit peu de ce que je pense du monde. Il y a tout un scénario de guerre en bas et un ballon avec une femme qui est en train de s'envoler et elle est retenue juste par un fil. Et ça avait symbolisé le fait que, pour moi, ce serait important que dans le monde, il y ait plus de femmes au pouvoir. Parce que je pense que la femme, comme elle est capable de donner la vie, elle donne à la vie une importance que l'homme n'arrive pas à comprendre. Donc, selon moi, avant de déclencher des guerres, les femmes, elles réfléchiraient beaucoup plus que les hommes. Et donc, je dis dans ce tableau que le seul espoir pour le monde, serait d'avoir plus de femmes au pouvoir. Deux femmes, voilà, qu'on place plus notre espoir en la femme. Mais pour les avoir au pouvoir, elles devraient déjà avoir leurs droits garantis. Alors, c'est des convictions que je partage avec toi, hein, bien sûr, Marco. Donc, j'invite vraiment tous les auditeurs à venir voir cette exposition pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il y a des tableaux et c'est des arts visuels, donc c'est toujours très sympathique. Marco présente des choses qui sont très jolies en termes de couleurs et d'esthétisme, mais aussi un certain nombre de tableaux qui racontent une histoire. Et à propos d'histoires racontées, justement, on avait commencé à l'aborder tout à l'heure. Marco aussi présente quelques poèmes, hein, qui sont affichés. C'est quoi ça? C'est des choses que tu laisses ou... Oui, je prends des exemples. Il y en a plus, oui, avec le tableau et le poème qui s'est inspiré au tableau. Donc, c'est moins cher que les... Violette d'Arc. que tableaux. Donc les gens aiment bien avoir une petite dédicace et prendre. Et ça fait un souvenir avec quand même l'image du tableau et le poème à côté. D'accord, donc là, c'est vrai que tu as un beau support. Donc, on est quoi sur une impression A3 de bonne qualité où on peut avoir donc une représentation de tes tableaux avec des poèmes. Et là, tu me disais dernièrement, donc ce qui s'est passé, c'est que tu as un ami à toi. Oui, j'ai été contacté par un ami à moi qui, on se suivait déjà sur les réseaux et qui aimait bien mes poèmes. Il m'a proposé, comme il aime bien créer de la musique, il m'a proposé d'utiliser mes poèmes pour... à en faire des chansons. Pour les mettre en chansons. Pour les mettre en chansons. C'est génial, ça, oui. Bien évidemment, certaines, j'ai pu les faire mettre directement en musique comme ça. Certaines, c'était un petit peu trop... Comment ça, tu les as mis directement j'ai dû modifier un petit peu les mots parce qu'il y, a des mots, il y avait des mots trop compliqués. Donc, j'ai dû les adapter pour faire une chanson parce que la chanson, que ça soit elle ne doit pas être trop lyrique, on va dire, entre guillemets. Mais le résultat, franchement, j'adore. Donc... je vous invite à aller les chercher sur toutes les plateformes, YouTube ou Spotify, AppMu. Comment on fait ? On va arriver tranquillement à la fin de cette actualité. Donc, je vais vous proposer qu'on écoute un morceau. Tu choisis le morceau qu'on écoutera à la fin de notre échange, Marco. Et sinon, on peut retrouver toutes les créations de Marco. Est-ce qu'on peut retrouver tes créations là, actuellement, musicales notamment ? Alors, sur YouTube déjà, vous pouvez chercher « Dis-moi un mensonge » et « Sur tes lèvres » en français, qui ont été publiés par David Vi. VI. Il y a même les versions en italien. Déjà, comme c'est avec les versions en français, c'est pas mal. D'accord, ah oui, ça passe en même temps. Il y a une version française et une version italienne. Oh, super, c'est une vraie découverte, alors. Bah voilà pour cette actu. Donc, Marco Pernin jusqu'au 21 février à la médiathèque de l'Axo. À voir, un artiste qui est disponible, présent un certain nombre d'après-midi sur place, qu'on peut contacter aussi si on veut échanger avec lui, qui se fera un plaisir de parler avec vous et de vous expliquer son art. Marco, tu veux dire un petit mot pour conclure ? Je vous attends et n'hésitez pas, ce sera sympa de discuter ensemble et de pouvoir vous faire entrer dans mon monde artistique. Voilà, merci beaucoup Marco. C'était Romain Marie pour la radio Fat Jet, à une prochaine dans Portrait d'artiste. En attendant, on va écouter un morceau donc, dont le parolier est Marco Perna, Sur tes lèvres, produit par David Vi. À bientôt. Je suis tombé sur tes lèvres un jour de soleil. Et rien n'a plus été pareil. Du haut de ma tour d'ermite, je me suis jetée sans aile. Car je voulais encore ressentir quelque chose qui ne soit pas la douleur, qui ne me fasse pas souffrir. Pas d'illusion. Et puis, inattendu, ton regard radieux est venu pour vaincre mes doutes, pour guérir ma souffrance, pour apaiser mon tourment, pour convaincre mon incertitude. Enfin, je pouvais encore ressentir quelque chose qui ne soit pas la douleur, qui ne me fasse pas souffrir. Mais je n'y croyais pas, je ne m'y attendais pas. Je ne me perçais pas d'illusions. La mer claire de tes yeux a brisé mes barrières, réduisant en miettes mes défenses, me jetant nu sur tes lèvres ouvertes. Ton sourire est désormais imprimé sur le mien, si fort qu'il me coupe le souffle. Je manque d'air, mais c'est un doux mourir. Et je ne me suis jamais senti aussi vivante, et je n'arrive pas encore à y croire, de te serrer contre moi maintenant. présent sous un ciel enfin différent.